Addict au rap, il me faut ma dose. J'suis pas venu ici pour me vanter. J'raconte seulement les résidences alcoos à l'esprit tourmenté. J'trouve l'inspire à l'heure où la lune se lève quand le ciel devient noir. Ma bonne étoile s'élève, mais j'sais pas si elle veut bien me voir. Le vice m'attire si vite. Oui, moi et mes potes panettes. J'rêve souvent de partir d'ici, fuir sur une autre planète. Souvent ça vire au drame, on passe du rire au lard. Trop de choses à dire au mic, j'brûle tout comme un pyromane. La vie fout le seum comme quand une grosse te pute laisse en plan. Dehors, c'est le spell, donc tous les soirs les gosses de rue traînent en bande. J'm'en bats les coudes, ce que les gens pensent, j'resterai là sans vous. Blair, jeune et brave, ouais, j'tabasse la concurrence à grands coups. Très, c'est par là, j'vais pas me rater. J'monte vite les paliers, c'est pas grave, j'escaladerai si j'vois pas d'escalier. C'est le coup de théâtre, l'espace et guette la mise en scène. Des couples et aptes à t'effacer, j'en ai plus de 1000 en tête. Hey, le monde est crade, trop de salissures s'y trouvent. On s'écrase entre nous, putain, c'est donc ça l'issue de secours. Conscient de notre décalage, le regard souligné de terre. On se détruit avant l'âge, à force de voir nos aînés le faire. C'est dur, mais je bosse à fond, je mets des grandes baffes au maître. Je veux plus côtoyer les bafons ni les bras de baphomètre. Des règles bafouées, je crois qu'on sait tous chier le débat. Ouais, faut l'avouer, les comptes sont vides à la caisse des bas. Acharné, je m'élance même à la vue des yeux. Fais pédé que je t'arracherai les jambes si t'essaies de marcher sur mes yeux. Je repense à mes rêves brisés, je priais pour les maîtriser. Je revois ma mère crisée, je priais quand mon père teasait. Je me la joue pas gangsta, non, je suis qu'un sale gamin. Ne compare pas ceux qui pour 20 balles arrachent un sac à main. Je monte, tu t'inquiètes, normal, tu vises le sol. Prépare-toi bien, t'arrives en fond de 5e sur la file de gauche. Je t'emmerde et je vis libre, lance la procédure vite. Je vais finir par perdre l'équilibre à force de me rapprocher du vide. Putain, parle sur moi, peux me connaître pour de vrai. Trop de bail sournois, je différencie les collègues et les refrais. Y'a plus d'éthique, les taffes cadenasser les vivres. Nique la politique, même nos darons barres caillassent les flics. Les pitbulls sédentes, à force de mort, rêve d'une pluie de boules de pétanque sur les forces de l'ordre. Ah.